Salut, c'est double jeu, comme mon frère au du 20ème. Même dans les tours, je reste large, comme un portier du palais. Quand t'écrivais des mots d'amour, je ne grattais que des sales textes. J'ai tellement tâtonné le vide que j'en ai rempli des masters. Toujours embrouillé comme mes gars du Z, mais un gars du Diex. Le score, je le baisse depuis la Master System de Sega. Aucun syndicat du crime sur ma bannière. Au bistouri, je fais pas de manière. J'taillade l'oreille et le sourire de Shetan. Fallait me signer avant. Avant de se plaindre de ses méfaits, fallait gifler l'argent. Virer l'argent, laisser de l'amiante, rester latent. Ne pas courtiser les viandes. Ne pas faire couler des tas d'encre. Le papier noir fluo, normal ça rappe des tripes. Mes Renoirs savent qui plie la prod. Toutes tes sales gimmicks, encore j'suis démagogue. J'rappe du beat, dans des states. Moi j'écoute à tes gars, tu m'en drapes un glaçon. Bien vouloir sourire à tes blagues, toute grisou. Et tes femmes s'échappent du toit, entraînées dans la salle du temps. Comme ça, je mange des chaos que quand le sac me frappe. Oui, c'est comme on le rappe, j'décolle sans stache. J'suis comme Jimmy, j'prends pas en compte vos bons sondages. Bref, j'ai le sens du sacrifice, on avance à petits pas dans la nuit. Sans la cibi, parce qu'on la pue grave. Aucun disque d'or à mon actif, j'ai pas de carrière brillante, aucun remerciement, trop fort à mon navire. Je dois l'image comme slope. En tant que pirate, je m'en bats les couilles d'arriver à bon port. Comme Bruce Wayne, la night, je mets trop de coudes et lâche trop de cordes. Ramène que pouce, c'est là qu'on mord. Papi, ok, hey, peu slow, ok. Miséricorde, headshot, comment on dit, hey, papi, puriste.